Merci beaucoup. Moi, je suis DRH du ministère des Armées. Ce que je propose, c'est, avec les contributions qu'on vient d'entendre, c'est d'avoir peut-être un regard un tout petit peu différent autour de trois thèmes qui seraient service public, service de l'État, premier thème. C'est des notions qu'on peut travailler. Vous avez évoqué un petit peu ça, madame. Les facteurs de transformation, puisque le thème de la conférence, c'est quand même ce que les publics font au service. Et puis, les éléments d'organisation du travail résultant de ces transformations. Mais avant cela, peut-être vous dire quelques mots, parce que c'est important de savoir de là où on parle, de ce qu'est le ministère des Armées, et avec une caractéristique quasiment unique dans l'organisation administrative dans l'État, qui consiste à dire que nous n'avons pas de public. Enfin, le public, il se trouve à l'extérieur. Voilà. Si tout va bien, il se trouve à l'extérieur du territoire français. C'est très très important de comprendre ça. Nous n'avons pas de relation, quasi pas de relation avec les usagers, les publics, pas de clients. Bon, alors c'est nous qui les choisissons. Et donc ça, c'est très important. Parce que c'est une différence fondamentale qui donne des éléments d'analyse totalement différents de ce qu'on peut constater. Il se trouve que bon, le ministère des Armées, c'est 300 000 personnes, hein, à peu près. Donc moi, je suis DRH de 300 000 personnes. Donc il y a trois armées que... Pour les plus jeunes, vous n'avez pas connu, mais c'est l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Un gros service qui conçoit les armements de demain, il conçoit et ne les produit pas, j'y vais y revenir. Donc ça, c'est des ingénieurs essentiellement. Et puis après, des fonctions support, dont celles que j'occupe, qui ne sont pas des fonctions support au sens où, pour faire des... Enfin, le facteur humain dans les armées, c'est d'abord une capacité opérationnelle. Avoir les meilleurs bateaux, les meilleurs avions, s'il n'y a pas des hommes ou des femmes pour les servir, ça ne marche pas. Et puis, c'est aussi toute une myriade d'établissements publics, parce que nous faisons quasiment tous les métiers. Alors, ce n'est pas vrai que nous ne sommes pas en contact avec le public. Nous avons le deuxième opérateur culturel de France, après le Louvre, qui est le musée de l'armée. C'est peu connu, mais le deuxième monument national, musée national qui est fréquenté en termes de fréquentation, c'est le musée de l'armée, qui est abrité aux Invalides. Mais nous avons aussi... des hôpitaux, donc on est un peu au contact public, mais c'est pas ça qui structure nos organisations, c'est pas ça ce qui structure, il y en a à Bordeaux d'ailleurs. Nous avons des écoles, l'école polytechnique, un établissement public du ministère des Armées. Nous avons aussi des lycées, nous avons des internats avec des jeunes collégiens. Voilà. Donc en fait, il y a une forme de permanence, puisque les armées, ça reste un état dans l'état. Et donc ça interroge, et je viens sur mon premier point, la notion de service public et de service de l'État, et finalement quels sont les facteurs de structurants dans le rapport à ce que nous produisons. De façon assez simple mais très marquée chez nous, et y compris chez les fonctionnaires ou les agents non titulaires civils, hein, parce que c'est 25% des effectifs du ministère, la notion de service public ne résonne pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas, ils se sentent pas partie intégrante de l'État, mais c'est vraiment le service de l'État qui constitue la colonne vertébrale, la culture commune. Et donc ça en dit aussi beaucoup sur le rapport au pays, aux citoyens. Alors service de l'État ou service de la nation. Voilà. C'est des choses qui que nous n'entendons pas forcément très souvent quand on parle de nos organisations, enfin de nos fonctions publiques, État, collectivité territoriale ou hospitalière. Chez nous, c'est vraiment la notion de service de l'État qui structure à peu près tout. Et donc, le cœur de la compréhension du CRH, c'est quelle est la mission, quelles sont les valeurs que nous portons. Et la mission, elle est assez simple, elle est assez simple, et finalement, elle n'a pas bougé, c'est un élément de permanence. Elle est marquée comme ça, c'est la défense de l'intégrité du territoire et des intérêts fondamentaux de la nation. Donc là-dedans, vous n'avez pas la notion de client, vous n'avez pas la notion d'usager, vous n'avez pas la notion de public. Et donc c'est pour ça que le service de l'État, c'est une notion qui est beaucoup plus désincarnée que le service public. Mais qu'on pourrait reproduire d'ailleurs dans d'autres champs de l'action publique. Hein. Mais c'est une première caractéristique qui est tout à fait en décalage par rapport à ce que peut connaître une collectivité territoriale ou ce que vous avez observé, madame, à La Poste ou au Musée du Louvre. Mais encore une fois, ça irrigue vraiment la façon dont, finalement, les agents, qu'ils soient civils ou militaires, conçoivent, agissent, se projettent dans leur contribution à une mission qui les dépasse. Et donc la politique, parce qu'on parle souvent de politique publique, on a une politique publique de défense, mais elle ne produit que quelque chose qui est normalement très loin du citoyen, c'est-à-dire de la sécurité. Voilà. Si ça se rapproche du citoyen, c'est qu'on a échoué dans la conduite de la politique publique. Et j'en viens à mon deuxième point, qui sont les facteurs de transformation. Donc moi, j'étais non pas à la télévision, mais dans la salle et au cinquième rang en face du président de la République. Donc j'ai pris directement les injonctions. Je vais commencer par ça. Ce qu'a dit le président de la République, c'est que nous traversons, c'est le constat qu'il a fait, nous traversons une crise démocratique qui résulte, selon lui, en premier lieu d'un défaut d'efficacité de l'action publique. Ça, c'est le constat. Et donc, ça interroge naturellement le service public, tout ce que vous avez dit, et on peut le constater, on peut constater comme citoyen, faire refaire sa carte d'identité ou son passeport, c'est un parcours du combattant. Ça se passe bien à Bordeaux, mais à Paris, c'est un peu compliqué. Et donc, la question de que font les publics aux administrations, elle est au cœur de ce sujet-là. Il se trouve que nous n'ayant pas de public, on est relativement immune de cette pression qui peut être mise. Et pourtant, dès qu'il y a une difficulté, le premier réflexe à la fois des citoyens et puis des responsables publics, c'est de se tourner vers les armées. Il y a des incendies qu'on n'arrive pas à contrôler, vous l'avez vécu l'été dernier en Gironde, les éboueurs sont en grève, on n'arrive pas à vacciner, voilà. Et donc, il est relativement paradoxal que le service qui est très éloigné des publics et donc qui n'a pas d'injonction immédiate d'efficacité de public. Hein, on délivre pas des titres nationaux. Soit celui qu'on appelle dès qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc là, il y a une forme de paradoxe pour lequel j'ai pas la réponse, mais qui donc doit être sans doute intéressant pour vos travaux, madame. Voilà. Et les facteurs de transformation que nous, j'en viens à ma deuxième partie, les facteurs de transformation que nous, si on prend un peu de recul dans le temps, en fait, ils sont relativement externes, encore une fois, à l'attente des citoyens, même si il y en a deux principaux, si on regarde les 30 dernières années. Et le premier, il est absolument dirimant dans le rapport qu'on a à la nation, c'est la fin du service national, du service militaire, 1997. Et donc là où les armées étaient en contact, non pas avec le public, mais parce qu'il y avait une forme, c'était obligatoire, donc c'était de l'injonction. Mais en tous les cas, une forme de contact extrêmement puissant, régulier, renouvelé avec la société française, aujourd'hui, ce facteur n'existe pas, n'existe plus. Et donc, transformation profonde de notre rapport à la société française, les armées, c'est les armées de la République, et donc ça, une interrogation assez profonde sur finalement, non pas à quoi nous servons, mais ce que nous sommes et comment nous devons agir et nous mettre en relation avec la société. Tout ça est relativement digéré par l'outil militaire français. Je suis pas sûr qu'il soit totalement digéré par la société française, parce que très régulièrement on appelle au retour du service national obligatoire. J'ai pas d'avis sur la question, c'est une question éminemment politique. Et puis le deuxième facteur de très grande transformation, parce que vous avez fait un détour historique qui est toujours très intéressant, c'est alors ça c'est à peu près au même moment, un peu plus précoce, c'est début des années fin des années 80, début des années 90, c'est la fin des arsenaux, puisque l'histoire militaire, c'est l'histoire du pays, et après la Seconde Guerre mondiale, ça préexistait, mais enfin, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu tout un effort de reconstruction de l'outil de production militaire pour retrouver une forme d'autonomie, si ce n'est d'indépendance, vis-à-vis des Américains. Et donc, on avait, ça faisait partie du ministère des arsenaux. Il y avait même, il y avait un ministère de l'armement. Tout ça, c'est début de la Ve République, un seul ministère. Et puis, fin des années 90, pour des questions d'efficacité économique, essentiellement, fin des arsenaux avec privatisation progressive, mais finalement relativement définitive, des grandes entreprises nationales qui fabriquaient des chars, d'autres des sous-marins, des bateaux. Voilà. Le seul domaine dans lequel il n'y a jamais eu que de l'industrie privée, c'est celui de l'aviation. Voilà. C'est Dassault, la Teco Air pour les plus anciens, et puis Airbus, mais c'était que le domaine dans lequel, parce que c'était quelque chose qui était nouveau. Et quand vous regardez le patrimoine industriel français, c'est essentiellement un patrimoine militaire, d'ailleurs, hein, d'industrie militaire. Voilà. Donc ça, c'est terminé. Et donc, deux facteurs de transformation qui résultent à la fois de la recherche d'efficacité économique avec le transfert vers des entreprises privées. Je pense, par exemple, ce qu'on appelait avant la direction des constructions navales qui fabrique des bateaux de guerre et des sous-marins, qui est aujourd'hui, qui s'appelle Naval Group, et qui est une entreprise privée. Bon, il y a une petite part de capital étatique, mais de l'État, mais voilà. Mais c'est aussi nos industries d'armement terrestre qui, alors là, pour le coup, sont totalement, ont totalement été privatisées. Donc, là aussi, ça a changé le rapport à la place finalement de l'outil militaire dans la société française. Et donc, ces facteurs, en fait, n'ont fait que, et j'en viens à mon troisième point, que finalement, conduire à renforcer encore les éléments de permanence sur l'organisation du travail, sur ce que vous parliez des gardiens veilleurs, ceux qui sont en public, les catégories, décrets parodie, etc. Il faut ne jamais perdre de vue que l'organisation administrative de l'État, essentiellement, puisqu'elle est plus ancienne que celle des collectivités territoriales, elle est ni plus ni moins que la transposition de l'organisation militaire. Le fait qu'il y ait des directions, des sous-directions, des bureaux, c'est un décalque de l'organisation militaire telle qu'elle elle s'est construite au XIXe siècle. Si vous relisez l'affaire Dreyfus, vous verrez qu'on parle de bureaux. Hein, voilà. Avant qu'on en parle avant qu'on parle de ça dans des administrations d'État. Et c'était des bureaux d'état-major. Hein, voilà. Et donc, c'est vraiment la forme d'organisation militaire qui a inspiré l'organisation de l'État. Or, ce à quoi on assiste, et c'est très intéressant aussi pour savoir comment l'organisation de l'État réagit aux lois de Roland, c'est à une déformation progressive de cette structure relativement hiérarchique dans l'État, avec la multiplication des établissements publics, des agences, voilà. Et au contraire, une très grande permanence dans les armées, où globalement les organisations n'ont pas bougé. N'ont pas bougé. Avec un fait, vous évoquiez chacun d'entre vous la question de la hiérarchie. Il y a un modèle hiérarchique qui n'a pas bougé, qui est le modèle militaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, il ne vit pas par lui-même et les points que vous évoquiez, monsieur, sur les attentes de nos collaborateurs, il faut les prendre. Mais le modèle hiérarchique, le modèle d'organisation et donc la façon dont nos organisations se structurent, lui, il n'a pas bougé. Il y a une forme de permanence. Et cette permanence, en fait, elle est possible dans les injonctions qu'on reçoit de nos publics, c'est-à-dire on a 15% de turnover, donc moi je recrute 30 000 personnes, 500 par semaine, hein, 30 000 personnes par an qui rentrent. Voilà. Donc on est très au contact du cœur battant de la société française. Ces injonctions, cette permanence avec les injonctions nouvelles, les attentes, on a la même chose, on ne fait pas de télétravail, nous, enfin, ou assez peu chez les militaires, elles ne survivent que parce qu'on a une très grande mobilité professionnelle. Mobilité professionnelle. C'est un modèle dans lequel, en fait, il y a une circulation très forte, autour de trois catégories. Donc, en haut, vous avez les officiers. Au milieu, vous avez les sous-officiers et à la base, vous avez les militaires du rang. Et 50% de la catégorie, reprend les catégories A, B, C, 50% des sous-officiers viennent de la catégorie inférieure, donc des militaires du rang. 50% des officiers viennent des sous-officiers. Et donc, ça fait une espèce de circulation permanente qui donne toute sa force, malgré le caractère relativement enfermé, pas de contact avec le public, donc pas d'incitation à bouger, très très forte permanence des organisations, ça permet en fait à tout ça de respirer. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient très fortement. Ça ne veut pas dire que les organisations ne bougent pas complètement, parce qu'il y a un facteur que j'ai oublié d'évoquer, mais sur lequel je reviens, un facteur de transformation, et qui est finalement le principal facteur qui fait évoluer à la fois le comportement des agents, leur formation et les organisations. C'est notre travail, c'est quelle est la menace? Donc c'est pas les incitations du public, c'est pas les attentes pour savoir où est-ce qu'on trace le chemin en gravier dans la pelouse qu'on vient d'installer, c'est les menaces. Et de ce point de vue-là, nous sommes toujours aux aguets. Et donc ça, c'est un facteur extrêmement puissant, même assez terrifiant, d'adaptation de l'outil, des ressources à les menaces. Parce que on a quand même une histoire militaire qui a pu être douloureuse, hein, mai 40, voilà, c'est une faillite totale de l'outil militaire français, voilà. Et donc ça travaille beaucoup. Et dans les menaces actuelles, il y a des menaces cyber qui sont extrêmement puissantes, il y a des menaces, il y a des nouveaux espaces de conflictualité, ce qu'on appelle les espaces communs, c'est-à-dire l'espace exo-atmosphérique, l'espace cybernétique, et puis l'espace sous-marin, où il se passe beaucoup de choses, très très profond dans les mers. Voilà. Donc on est face à des menaces. Bon, je vais pas revenir sur le conflit ukrainien, voilà, mais ce facteur d'évolution, ce facteur principal de modélisation de l'outil, des pratiques, des ressources, et finalement de ce que sont, de ce qu'est le ministère des Armées, ce n'est pas le public. Ou en tous les cas, c'est une autre manifestation du public, parce que je reviens sur ma phrase d'introductive, c'est la menace. Et la différence, je pense que vous la connaissez, la différence entre un menace et, la menace et un risque, je vais vous prendre de l'eau, c'est que principale différence entre une menace et un risque, c'est que dans une menace, il y a une intention. Nous ne sommes pas des gestionnaires de risques. Nous sommes, c'est autre chose, ça s'appelle des assureurs. Voilà. Il y a une intention. Et donc, la menace, c'est qu'il y a une intention politique, pas politique, parapolitique, de porter atteinte à l'intégrité du territoire français ou à ses intérêts fondamentaux. Et donc, derrière, il y a peut-être un public. Ou pas de public, mais il y a, en tous les cas, il y a une intention. Et c'est ce qui fait vraiment la grande différence dans nos modèles de fonction publique, parce qu'il y a une forme de fonction publique militaire. Les militaires ne dépendent pas du statut général de la fonction publique, mais d'un statut général lui aussi. Qui a été remis à jour en 2005. Et donc c'est à la fois une société, on parle de société militaire, il y a référence comme Raoul Girardet qui a beaucoup écrit sur la société militaire. Et notre préoccupation, c'est que cette société, cette organisation ne soit quand même pas totalement déconnectée de la vitalité des réalités sociales du pays, parce qu'il faut que, en dépit du fait qu'il n'y ait plus de service militaire, il faut que il faut conserver une très grande relation entre ce qu'on appelle les armées et la nation. Donc c'est ce lien armée-nation qui reste très important, et privé du service militaire, c'est une question très préoccupante pour nous. Une armée professionnelle, mais ce n'est pas une armée qui devrait être séparée de la nation. C'est une armée qui est l'émanation de la nation. C'est quand même le modèle des démocraties occidentales. Voilà ce que je pouvais compléter vos propos.